que fais-tu, nous va tracher la bonne pedant dans la berouette. Écoute bien, star, moi je suis pas un breton. Elle monte Saint-Michel, c'est pas dans l'Aveyron. Chouchène qui m'a fait pousser, mais c'est bien le calva normand qui est bon pour moi. C'est pas Chouchène qui m'a fait pousser, mais c'est bien le calva normand qui est bon pour moi. Grévin Dieu, on va tracher. Bonne bonne et pedant, pedant dans la berouette. Bonne bonne et pedant, pedant dans la berouette. Écoute bien, star, moi je suis pas un breton. Elle monte Saint-Michel, c'est pas dans la véro. Chouchène qui m'a fait pousser, mais bien le calva normand qui est bon pour moi. C'est pas du chouchène qui m'a fait pousser, mais c'est bien du calva normand qui est bon pour moi. Écoute bien, star, moi je suis pas breton. Elle monte Saint-Michel, c'est pas dans l'Aveyron. Pourtant les bretons de malheur, ce sont des innocents. Des bretons d'un star, ma gosse aussi méchant. Des brutes d'astres.